Section 24 de La Bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Bête du Gévaudan par Élie Berté. Chapitre 24. Le coffret. La Roche-Boisseau portait encore l'uniforme de lieutenant de Louveterie. Il marchait d'un pas fier, la tête droite, la bouche souriante, comme un homme sûr de lui-même. Derrière lui venait un piqueur qui, après avoir déposé près de la porte du salon un coffret bien clos, se retira sur un signe de son maître. Tous les assistants étaient interdits de la hardiesse du baron à se présenter dans une maison où l'on avait tant de motifs de le mépriser et de le haïr. La sœur Magloire était pourpre d'indignation, et les joues creuses du chevalier avaient pris une teinte verdâtre. Léonce, partagé entre des sentiments contraires, semblait incapable de faire un mouvement. Seule, Mademoiselle de Barjac, par l'excès même de son émotion, recouvra la dignité qui lui avait fait défaut, peu d'instants auparavant, à l'égard de Léonce. Elle s'était levée, et pendant que le baron la saluait, elle dit avec ironie « Comte de Varinas, que signifie, monsieur, cette manière de vous faire annoncer chez moi ? Espérez-vous donc, en prenant un nouveau nom, effacer les souvenirs que vous avez laissés ici sous l'ancien ?» La Roche-Boisseau, malgré son aplomb, fut déconcertée par la rudesse de cette apostrophe. « Ah, charmante » dit-il en s'efforçant de sourire. « Est-il généreux de me rappeler des torts que vous m'avez pardonnés et dont j'ai été si cruellement puni ? Quant au titre et au nom nouveau que je porte maintenant, ils m'appartiennent par droit de naissance et personne ne peut plus me les contester. » « Ainsi donc, monsieur, demanda la châtelaine, chez qui la curiosité féminine fit taire un moment des sentiments d'une autre nature, vous êtes en possession déjà des domaines de Varinas ?»« Pas encore, ma toute belle, mais il me reste plus qu'une simple formalité à remplir, car j'ai la promesse de monseigneur le commissaire royal. Peut-être même la prise de possession aurait-elle eu lieu hier si je m'étais rendu à Frontenac comme j'y étais invité. » Mais des affaires pressantes m'ayant retenu dans ce pays, j'ai préféré envoyer là-bas mon procureur fondé, qui saura mieux que moi défendre mes intérêts contre ces moines nasillards. En attendant, j'ai repris, comme vous le voyez, le titre et le nom qui sont pour moi un héritage de famille. Léonce ne put se contenir. « Il me semble pourtant, dit-il d'une voix sèche, que vous vous pressez bien de vous parer d'une qualité qui ne vous appartient pas encore, selon la loi et la justice. » La Roche-Boisseau se retourna vivement et regarda Léonce comme s'il eût alors aperçu pour la première fois. « Ah ah ! Est-ce vous, mon joyeux compagnon de chasse ? » demanda-t-il avec une familiarité dédaigneuse. « Je pourrais vous répondre que votre opinion ne fait pas grand-chose à l'affaire. Mais je veux être indulgent envers vous, car je devine pour quel motif vous intervenez dans de pareils intérêts. À votre avis, sans doute, ma qualité présente prouve le crime de ceux dont les machinations ténébreuses étaient parvenues à m'en priver si longtemps. Peut-être, en effet, avez-vous raison, et d'ailleurs, je pardonne beaucoup à un ami que le malheur aigrit. Un ami, monsieur ? Je ne savais pas avoir l'honneur d'être le vôtre. Voyez-vous cela, quand nos relations ont été si intimes, si confidentielles. Mais, après tout, il en sera ce que vous voudrez. Je n'y tiens pas, moi, je vous assure. » Et il se mit à ricaner. Léon se frémissait de colère, mais il se souvint encore de la promesse faite au prieur et se dit à lui-même « Non, je ne donnerai pas ce chagrin à mon malheureux oncle. » Je lui tiendrai mon serment, quoi qu'il arrive. » La Roche-Boisseau allait peut-être décocher à Léonce quelques nouveaux sarcasmes quand le chevalier vint détourner son attention. « Monsieur de Varinas, » dit Magnac en lui adressant un grand salut, « semble avoir oublié les engagements d'honneur qu'il a pris sous le nom de La Roche-Boisseau. C'est pour cela sans doute qu'il n'a pas reçu mes messages et qu'il n'y a pas répondu comme il convient entre gentilshommes de bonne maison. » Mais maintenant je m'attache à lui, et Varinas ou La Roche-Boisseau, je ne le quitterai pas sans avoir obtenu quelques mots d'explication particulière. Le baron se mit à rire plus fort. « Morbleu, mon beau chevalier errant, mon beau défenseur des belles, mon vaillant paladin des dames opprimées, s'écria-t-il, vous êtes diablement tenace dans vos idées. Il s'agit sans doute encore, et du garde Fargeot, et de la liberté que je prends, de chasser dans les bois de Mercoire sans votre congé, que sais-je ? Eh bien, nous reviendrons là-dessus, et quand nous devrions vider la querelle avec des sabres de bois et des épées de pain d'épices, vous aurez satisfaction, je vous le promets. Mais pour le moment, d'autres soins plus pressants me réclament, et je vais d'abord apprendre à votre maîtresse le motif de cette visite qui ne paraît pas lui être très agréable. » Si monsieur de La Roche-Boisseau pense ainsi, dit Christine avec roideur, il est inexcusable de la prolonger. Vous me traitez bien mal, mademoiselle. En me présentant ici, j'avais une foi complète dans le pardon que vous m'aviez accordé si généreusement. Mon pardon n'autorisait pas des assiduités. Mais hâtez-vous de m'apprendre l'objet de votre visite. Vous avez raison de croire que cette entrevue est fort pénible pour moi. La Roche-Boisseau, grâce à ses idées particulières sur les femmes, ne s'attendait pas peut-être à une aversion si marquée, si opiniâtre. Comme il demeurait muet, Maniaque lui dit, de son ton impassible et froid, « Eh bien, monsieur le baron, ou monsieur le comte, car je ne prétends pas contester vos titres, n'avez-vous pas entendu ? Mademoiselle de Barjac, ma noble maîtresse, souhaite que vous lui fassiez connaître au plus vite l'objet de votre visite, et puis... » Il désigna la porte du doigt. La Roche-Boisseau bondit de colère. « De par tous les diables, vieux maroufle, s'écria-t-il, allez-vous ainsi prendre au sérieux votre rôle de valet ? Si je le pensais... » « Monsieur, interrompit Léonce à son tour avec vivacité, vous vous oubliez en présence et dans la maison d'une dame. » La Roche-Boisseau regarda d'un œil enflammé les deux défenseurs de Christine et, tout à coup, il partit d'un nouvel éclat de rire. « Par la sangbleu, mademoiselle, reprit-il, je dois vous féliciter. Il ne serait pas prudent de résister à vos volontés au château de Mercoire. Vous avez là de valeureux défenseurs qui ne se gêneraient pas pour jeter l'audacieux dehors par les épaules si l'on voulait seulement les laisser faire. Mais il est temps de m'expliquer et d'essayer si je ne pourrais pas enfin prendre ma revanche. » Mademoiselle de Barjac, qui était restée debout jusqu'alors, se rassit toute tremblante. Maniaque et Léonce lui-même, oubliant leur grief personnel, attendirent avec une appréhension extrême ce qu'allait dire le baron. Celui-ci semblait trouver plaisir à prolonger ce malaise. Enfin, il demanda, en appuyant sur chaque mot, « Vous souvenez-vous, mademoiselle, de vous être engagée, par serment, à épouser le chasseur qui aurait tué la bête du Gévaudan, pourvu qu'il n'appartienne pas à une condition servile ?»« Je m'en souviens, » répondit faiblement Christine. « Et ce serment, poursuivit La Roche-Boisseau, êtes-vous encore prête à le tenir ? Refuserez-vous votre main à un galant homme qui, prenant votre promesse au sérieux, aurait bravé fatigues et dangers pour remplir l'obligation imposée ? Ce doute est une offense, monsieur. » « Eh bien, donc, s'écria le baron triomphant, je réclame pour moi tous les privilèges promis au vainqueur de la bête. J'ai eu le bonheur d'abattre le féroce animal hier dans les bois de la Bessière. Voici mes preuves. » Il alla chercher le coffret que son laquais avait déposé près de la porte, l'ouvrit et montra une tête et une patte de loup encore saignantes. Mais Christine n'eut pas le courage de regarder cet affreux trophée. Elle s'était renversée, mourante, dans son fauteuil. Les autres assistants étaient à peine moins émus, bien qu'ils dussent s'attendre à cet événement. Léonce demeurait anéanti. Le chevalier, toujours lent dans ses conceptions, avait l'air de ruminer le cas, tandis que Sœur Magloire levait les yeux et les mains au ciel en marmottant des prières. Aucun de ces détails ne pouvait échapper à La Roche-Boisseau. « Eh, mais, reprit-il d'un ton railleur, on dirait que ma victoire ne cause pas ici des transports immodérés de joie. Cependant, le baron de La Roche-Boisseau, comte et seigneur de Varinas, n'est pas un lot trop à dédaigner, quand le hasard pouvait désigner quelque méchant braconnier pour châtelain de Mercoire. Il se fit un nouveau silence. « Monsieur le baron, dit enfin Léonce avec désespoir, les amis de mademoiselle de Barjac ne peuvent accepter sans examen toutes vos assertions. Il faudrait d'abord établir d'une manière indubitable que l'animal dont voici la dépouille est bien la bête du Gévaudan. Et j'ai certaines raisons de penser... Toute personne de bonne foi n'a qu'à considérer ses pièces de conviction, reprit La Roche-Boisseau en désignant les objets contenus dans la cassette. Un autre animal que la célèbre bête du Gévaudan pourrait-il avoir cette tête monstrueuse, ces crocs terribles, ces griffes robustes ? Et qui nous prouve, continua Léonce, que vous, monsieur, vous seul, avez frappé mortellement le loup dont vous présentez les restes ? On entendra Maître Legris, mon protégé. Bien qu'il me boude en ce moment et qu'il ait refusé de m'accompagner ici, il ne pourra se dispenser de rendre témoignage à la vérité. On entendra encore mon premier piqueur, la branche, et les nombreux paysans qui me servaient de rabatteur lorsque j'ai tiré ce bon coup de carabine. Ayez l'esprit en repos, monsieur Léonce. On fournira toutes les garanties nécessaires à ceux qui seront en droit de les demander. Pour le moment, il s'agit seulement de savoir si mademoiselle de Barjac tiendra son serment, même envers moi. La pauvre Christine répondit avec effort « Je le tiendrai, monsieur, dussé-je en mourir ?» Cette forme de consentement ne parut pas être du goût de La Roche-Boisseau, qui fit une grimace significative. Léonce s'écria énergiquement « Monsieur le baron, vous êtes gentilhomme. Vous ne pouvez accepter un pareil sacrifice. Vous devez être trop fier, trop délicat, pour abuser de l'avantage que vous donne un hasard heureux sur une jeune dame digne de tous égards et de tout respect. Elle ne vous aime pas, vous le savez. Elle ne laisserait tomber sa main dans la vôtre que pour accomplir son vœu téméraire. Un mariage effectué dans de telles conditions pourrait-il assurer votre bonheur et le sien ? Ne serait-il pas une honte, un ridicule pour vous ? Renoncez donc généreusement au bénéfice d'une promesse inconsidérée. La dignité de votre nom, la loyauté, l'honneur vous le commandent également. » Oui, acheva La Roche-Boisseau avec ironie, et laissez la place libre à certains petits céladons, héros langoureux d'une de ces amourettes qui existent parfois entre un écolier et une pensionnaire. N'est-ce pas cela, monsieur Léonce ? En vérité, si quelqu'un a conçu de semblables espérances, on ne pouvait trouver d'avocat plus incapable de me les faire approuver. Cette fois, les résolutions de Léonce, le souvenir de ses engagements envers son oncle, ne tinrent pas contre la fureur qui le suffoquait. « Baron de La Roche-Boisseau, dit-il d'une voix ferme, vous êtes un infâme. L'amour n'est pour rien dans vos projets sur une noble demoiselle qui vous hait et vous méprise. Ce que vous désirez, c'est sa fortune, ce sont ses beaux domaines, ce sont les moyens de redorer votre blason terni et souillé de fange. » Le baron, à son tour, ne put conserver son dédaigneux sang-froid en présence d'un outrage si direct et si violent. « Par le diable ! « Monsieur l'aventurier, s'écria-t-il, c'est pousser trop loin l'insolence. Mais fussiez-vous 10 fois vilain, je vous ferai rentrer dans la gorge les paroles insultantes que vous venez de prononcer. Elles n'y rentreront pas, monsieur. Au contraire, partout où vous irez, je compte dire hautement. Assez, monsieur, vous voulez sans doute, par l'excès de l'injure, effacer la distance qui nous sépare. Vous avez réussi. » « Sortons, monsieur, sortons à l'instant !»« Enfin !» dit Léonce. Il se dirigeait déjà vers la porte sans que Christine, à moitié évanouie, pût faire le moindre effort pour intervenir. Mais le chevalier de Magnac leur barra le passage avec plus de vivacité qu'on ne pouvait en attendre de lui. « Un moment, messieurs, dit-il avec gravité, les choses ne sauraient aller ainsi. » Monsieur le baron, ou plutôt monsieur le comte, ne s'appartient pas. J'ai de longue date établi mon droit de priorité à son égard, et ce droit s'est encore fortifié de toutes les épithètes malsonnantes dont monsieur de La Roche-Boisseau, je veux dire monsieur de Varinas, vient de me gratifier tout à l'heure. Je tiens donc à mon privilège, et puisque monsieur de La Roche-Boisseau, comte de Varinas, est en si bonne disposition, je le prie de me réserver l'honneur. Monsieur de Magnac, je vous en conjure, dit Léonce avec énergie. Permettez-moi de venger mes offenses et celles des personnes qui me sont les plus chères au monde. Vous ne savez pas combien cet indigne gentilhomme a versé dans mon cœur de fiel et d'amertume. À mon vif regret, monsieur Léonce, je ne peux vous céder en ceci. C'est à moi de punir les insultes faites à ma jeune maîtresse, cela rentre dans les devoirs de ma charge. Et d'ailleurs, les griefs d'une dame doivent passer avant les vôtres et les miens. Désolé de vous refuser, mais... Hé, morbleu ! Interrompit La Roche-Boisseau dans un paroxysme de fureur. Venez tous les deux. Croyez-vous que je m'inquiète beaucoup d'un jeune étourneau, élevé à la brochette par des moines couards, et d'un vieil édenté qui éprouve la fantaisie de tirer encore une fois du fourreau son tronçon déperrouillé. Venez, vous dis-je, ensemble ou séparément, je vous rendrai raison à tous deux, je vous le promets. Eh bien, sortons d'abord, reprit Léonce. Cette question ne saurait se traiter en présence d'une dame. Oui, oui, sortons, dit le baron. À vos ordres, messieurs, dit Magnac en saluant. Mademoiselle de Barjac put enfin secouer l'anéantissement où l'avait jetée cette scène tumultueuse. Elle se leva et, repoussant la sœur qui voulait la retenir, elle s'écria d'un ton d'autorité « Restez, messieurs, restez, je vous en prie. Je vous l'ordonne si mes ordres peuvent encore être de quelque poids auprès de vous. » Les trois hommes s'arrêtèrent. Après un moment d'hésitation, ils se rapprochèrent à pas lents de la jeune châtelaine. « De grâce, messieurs, écoutez-moi, reprit-elle. C'est à vous surtout que je m'adresse, mon cher Léonce, vous, le compagnon de mon enfance. À vous aussi, mon bon chevalier, vous qui m'avez toujours entouré de tant de soins et d'égards. Autant que je peux m'y opposer, je ne souffrirai pas que vous ayez querelle avec monsieur de La Roche-Boisseau à mon sujet. Monsieur le baron paraît avoir exactement rempli les conditions imposées par mon vœu. Le prix qu'il vient réclamer ne saurait lui être refusé. Je ne dois pas permettre que mes serviteurs et mes amis interviennent pour me soustraire aux conséquences d'un engagement téméraire, car on pourrait alors m'accuser, avec raison, d'employer d'indignes subterfuges pour éluder ma parole. Je vous somme donc de ne donner aucune suite à ce défi dont je suis la véritable cause. Quiconque le ferait deviendrait mon ennemi. Christine, répliqua Léonce. Cet homme s'est servi, envers mon malheureux oncle et envers moi, des expressions les plus outrageantes. Il a offensé l'honneur de la maison de Magnac, dit le chevalier. Et ajoutez, messieurs, reprit La Roche-Boisseau d'un ton superbe, que je ne rétracte rien. Christine poursuivit, en s'adressant au chevalier et à Léonce. N'essayez pas de me tromper, mes bons amis, c'est mon injure et non la vôtre que vous voulez défendre. « Renoncez-y, je vous en conjure. La situation terrible où je me trouve est entièrement mon ouvrage. Mon imprudence, ma fatale précipitation, mon orgueilleuse obstination ont tout fait. Je dois donc porter seule la peine de ma faute. » En même temps, elle prit à part chacun des deux adversaires du baron et parut employer les arguments les plus pressants pour les détourner de leur projet. L'un et l'autre eurent l'air enfin de céder à ses instances, mais il était facile de deviner qu'il profiterait de la première occasion pour renouveler la querelle. La Roche-Boisseau avait repris tout son sang-froid. Quand il vit que Mademoiselle de Barjac semblait avoir atteint son but, il dit en souriant « Merci à vous, ma charmante, c'est loyalement tenir sa parole. Laissez-moi maintenant espérer que cette bonne foi sera le prélude de sentiments moins hostiles envers... le futur châtelain de Mercoire. » Et il lui baisa la main. « Châtelain de Mercoire, répéta Léonce, vous ne l'êtes pas encore, monsieur. Mademoiselle de Barjac dépend toujours de tuteurs éclairés et sévères dont le devoir est de la protéger contre les entraînements de sa propre générosité. Or, je me trompe fort, où il se trouve assez de sagesse, de pouvoir et d'énergie chez les pères de Frontenac pour rendre ce mariage absolument impossible. » « Le croyez-vous, mon ami ? demanda vivement Christine. Léon se répéta son assertion avec plus de chaleur encore. « Eh bien, sambleu, nous verrons cela !» répliqua le baron avec un sourire dédaigneux. Ce bon jeune homme, dans sa vive affection pour les moines de Frontenac, oublie qu'ils ont un peu la crête basse en ce moment, et qu'un certain évêque leur a récemment rogné les ongles de fort près. Je les attendrai de pied ferme, et nous saurons lequel d'entre eux osera s'attaquer à moi. Sera-ce le pauvre vieil abbé, presque imbécile, perclus de gouttes et de rhumatisme, et qui a déjà un pied dans la fosse ? Sera-ce encore ce valeureux champion du couvent, la tête forte de la communauté, l'habile, le prudent, l'éloquent père Bonaventure ? Malheureusement, ce soleil du monastère se trouve à cette heure très obscurci. Le saint homme, accusé d'assassinat sur un pauvre petit enfant, est claquemuré dans sa cellule qu'il échangera bientôt sans doute contre un cachot noir et profond. « En êtes-vous bien sûr, monsieur ?» demanda sœur Magloire d'un ton singulier. Depuis un instant, le bruit de voix et de chevaux s'était renouvelé dans la cour principale du manoir. La religieuse, toujours inquiète ou poussée peut-être par un pressentiment secret, était sortie pour reconnaître la cause de ce tumulte. D'une fenêtre qui donnait sur la grande cour, elle avait vu deux litières portées par des mules et escortées de plusieurs domestiques à cheval. Un coup d'œil jeté dans l'intérieur des litières lui avait suffi et elle était revenue au salon, toute frémissante d'espérance et de joie. Les assistants, en remarquant son agitation, voulurent la questionner. Elle n'eut pas le temps de répondre. La porte se rouvrit tout à coup et le domestique annonça, d'une voix étranglée par le respect, « Sa grandeur, Monseigneur l'évêque d'Alep, sa révérence, le prieur de Frontenac. » En même temps, l'évêque et le prieur entrèrent en s'appuyant amicalement l'un sur l'autre. Fin de la section 24.